11-20, observation, construction exclamative avec quel? Quel ciel! Quel beau ciel! Quel ciel bleu! Quel beau ciel bleu! Notez que dans la construction exclamative avec quel, il n'y a pas d'article. Quel, comme ce, fonctionne comme un article. Le ciel, un ciel, ce ciel, quel ciel!